Bible says in Matthew, la Bible dit dans Matthieu, that when the church goes to sleep, quand l'église est allée se coucher, dormir, the devil will come and plant the wrong seed in the church. L'ennemi va rentrer, va semer la mauvaise semence dans l'église. They used to worship here. Ils avaient l'habitude d'adorer ici. But not anymore. Mais plus encore. Why did the Lord say so? Pourquoi Dieu a dit cela? Ah, let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. Why were the chairs empty? Pourquoi les chaises étaient vides? I remember I went on my knees. Je me rappelle, je suis allé sur mes genoux. And I asked the Lord. Et j'ai demandé au Seigneur. But Lord. Mais Seigneur. Every Sunday, chaque dimanche, there are millions of people going to church. Il y a des millions de personnes qui vont à l'église. How can you not see any one of them? Comment est-ce que tu ne vois personne d'entre eux? How possible? Comment est-ce possible? There are millions going to church. Il y a des millions qui vont à l'église. How can you fail not even to see one? Comment tu peux ne pas voir juste une personne, même pas une personne? Empty. Vide. Listen to me. Écoutez-moi. Turn with me, precious people, to Malachi. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Malachi. The book of Malachi. Le livre de Malachi. Chapter 1. Au premier chapitre. I'm just going to choose 1, 2, 3 scriptures here and there. Je vais juste choisir 2, 3 écritures. Verse 6, Malachi chapter 1. Malachi chapitre 1, verset 6. A son honors his father, un fils honore son père, and a servant his master, et un serviteur son maître. If I am a father to you, si je suis père, where is the honor due me? Où est l'honneur qui m'est dû? If I am a master, si je suis maître, where is the respect due me? Où est la crainte qu'on a de moi? Says the Lord Almighty. Dit l'Éternel des armées. It is you, O priests, à vous, sacrificateurs, who show contempt for my name, qui méprisez mon nom. But you ask, et qui dites, how have we shown contempt for your name? À quoi avons-nous méprisé ton nom? Verse 7, church. Le verset 7, église. You place defiled food on my altar. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. But you ask, et vous dites, how have we defiled you? En quoi t'avons-nous profané? By saying the Lord's table is contemptible. C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Verse 8 is very, very important. Le verset 8 est très, très important. When you bring the blind animals for sacrifice. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Is that not wrong? N'est-ce pas mal? When you sacrifice crippled and diseased animals. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme. Is that not wrong? N'est-ce pas mal? Try offering them to your governor. Offre-la donc à ton gouverneur. Would he be pleased with you? Te recevra-t-il bien? Would he accept you, says the Lord Almighty? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Verse 10. Verset 10. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light up useless fires at my altar. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Alléluia. Alléluia. Listen to me. Écoutez-moi, s'il vous plaît. The moment of truth has arrived to the church. Le moment de vérité est arrivé à l'église. Listen. Écoutez. There is no other sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice that God the Father receives today. Que le Dieu, le Père peut recevoir aujourd'hui. Except. Excepté. The blood of Jesus. Le sang de Jésus-Christ. But. Mais. You cannot. Vous ne pouvez pas. Mix the blood of Jesus with anything else. Vous ne pouvez pas mélanger le sang de Jésus avec d'autres choses. Only the blood of Jesus. Seulement le sang de Jésus. Nothing else. Pas rien d'autre. If you come here to sacrifice, si vous venez ici pour offrir un sacrifice, and then you start to dance in immorality et here, vous commencez à danser dans l'immoralité ici, he Don't take it. Il ne le prendra pas. He will not take it. Il ne le prendra pas. You cannot mix the blood of Jesus. Vous ne pouvez pas mélanger le sang de Jésus with something else. Avec quelque chose d'autre. Then you have sacrificed a blind animal. Alors, si vous faites ça, vous êtes en train d'offrir des animaux aveugles à l'Éternel. A crippled animal. Des animaux boiteux. A diseased animal. Des animaux infirmes. He don't touch it. Il ne touche pas à cela. To the point that he says, au point qu'il puisse dire, in verse 10, au verset 10, oh, how I wish that someone can run there, oh, j'aurais voulu que quelqu'un puisse courir and shut that temple door, et fermer la porte de ce temple, so I may not have to see the useless fires they're lighting there, afin que je ne puisse pas, qu'ils puissent pas abuser le feu qui est sur l'autel. They're worshiping. Ils sont en train d'adorer. But she's looking at this young man. Mais il est en train d'adorer, mais en regardant ce jeune garçon. Elle est en train d'adorer en convoitant un garçon à côté. Why is he not looking at me today? Oh, pourquoi il ne me regarde pas aujourd'hui? He don't take it. Il ne prendra pas cette adoration-là. He will not take it. Il ne le prendra pas. He says, il dit, rather somebody go and close that door. Vaut mieux que quelqu'un aille fermer la porte de ce temple-là. That's why when he showed me the dome and the glory, quand il m'a montré le dôme et la gloire, I was very shocked. J'étais très choqué. In fact, I did not know he repeated with me what he did with Jeremiah the prophet. En fait, il a répété avec moi ce qu'il a fait avec Jérémie le prophète. Until he took me the book of Jeremiah. Jusqu'à ce qu'il m'amène dans le livre de Jérémie. Because what he did with Jeremiah, I was very shocked. Parce que ce qu'il avait fait avec Jérémie était très choquant. I think it's Jeremiah 13 or something. Don't even go there. N'allez pas là-bas. Je pense que c'est Jérémie 13. He took Jeremiah to the temple doors in front of the house of the Lord. Il a amené Jérémie à la porte du temple, devant le temple. And he told him, now you can prophesy to this house. Il a dit, maintenant tu peux prophétiser sur cette maison. I understood why the temple doors were closed when he brought me very close to the house. J'ai compris quand, pourquoi les portes du temple étaient fermées quand il m'a amené proche du temple. Because he is not accepting sacrifice there. Parce qu'il n'accepte plus les sacrifices là-bas. They come here, but half the heart is for something, half they give to Jesus. Ils viennent ici, le cœur est partagé, la moitié à Jésus, la moitié pour quelqu'un d'autre. He don't take it. Il ne prend pas cela. It is all or nothing. C'est tout à Jésus ou rien du tout. Remember Nadab and Abihu. Rappelez-vous de Nabar et Nabihu. Nadab et Abihu. The sons of Aaron. Les fils d'Aaron. God Almighty. Le Dieu Tout-Puissant. He allowed Moses. Il a permis à Moïse. To take them to the mountain of God. De les amener à la montagne de Dieu. And they saw God. Et ils ont vu Dieu. They even described the sapphire under his feet. Ils ont même décrit l'image de ses pieds. And they came down. Et ils sont descendus de la montagne. But when Nadab and Abihu. Et quand Nadab et Abihu. Went ahead. Ils sont partis en avant. And lit up useless fires before Jehovah. Ils ont amené le feu étranger devant l'Éternel Jéhovah. The fire of God Almighty. Le feu de Dieu Tout-Puissant. Came from the Holy of Holies. Est venu du lieu très saint. And consumed them. Et les a consumés. Do you understand the seriousness of lighting useless fires? Vous comprenez la gravité d'allumer un feu étranger? He says, il dit, you have shown contempt unto my name. Vous avez profané mon nom. Vous avez méprisé mon nom. He told David, il a dit à David, because you have fallen in sin. Parce que tu es tombé dans le péché. You have made the enemies of God show contempt unto God. Vous avez rendu que les ennemis de l'Éternel puissent se mépriser l'Éternel. Why he judged David? Pourquoi il a jugé David? If you read the way he was talking to David, si vous lisez la façon dont il parlait avec David, it was more about, c'était plus au sujet, how the enemies of God, comment est-ce que les ennemis de Dieu, would now laugh at David. Maintenant vont se moquer de David. Would now laugh at God. Vont maintenant mépriser Dieu. How the enemies of God. Comment les ennemis de Dieu. Would now go scot free. Maintenant vont aller. Would now laugh at God. Ils vont se moquer de Dieu. Isn't the church there? Est-ce que l'église n'est pas dans cette position là? Now even the Hindus can laugh at the church. Même maintenant les hindous se moquent de l'église. Those people there. Est-ce que il y a des gens là-bas? This man is funny. He always appears on TV every Sunday. Oh, cet homme il est amusant. Il apparaît toujours à la télévision le dimanche. Is this the way they talk to their God? Et c'est ça la manière dont ils parlent à leur Dieu? He's always funny. Ah, c'est toujours amusant. Hein? Even the Muslims can now laugh at God. Même les musulmans maintenant peuvent se moquer de Dieu. Because parce que you have shown contempt at his holy name. Vous aviez méprisé son saint nom. You are supposed to have been the Christ ambassadors. Vous devrez être des ambassadeurs de Christ. You know, when you go to an embassy to get your visa. Quand vous allez à une ambassade, vous avez votre visa. And you meet the ambassador. Et vous rencontrez l'ambassadeur. That is the mirror image of the king. Ça, c'est l'image réelle du roi. In that country. De ce pays-là. That's why they are called His Excellency the Ambassador. C'est pourquoi on l'appelle Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur. When the world looks at you. Quand le monde regarde à vous. Do they see Jesus? Est-ce qu'ils voient Jésus? Let's say one day a Hindu girl says, "Take me to your church, let me see how you worship your God. Maybe I might change my heart." Un jour, une fille hindoue a dit, "Amenez-moi dans votre église, je vais voir peut-être je pourrais changer mon cœur." And you bring them there. Et vous l'amenez ici. Alléluia. Alléluia. Will they love Jesus? Est-ce qu'elle va aimer Jésus? They will leave, they will be hurt. Ils vont quitter, ils vont être choqués, ils vont être blessés. And they will swear. Ils vont jurer. Never ever to go back there. De ne plus jamais revenir en cet endroit. I found people dancing disco there. Ah, j'ai vu les gens danser les discos là, dans cette église. They are worshiping an idol. Ils sont en train d'adorer une idole. In India. En Inde. They walk in the streets. Ils marchent dans la rue. When they find another god who is beautiful, they buy. Quand ils voient un autre dieu qui est bien, ils achètent. Made from a nice wood. Et c'est fait avec un bois bien raffiné, bien poli. They build a very nice place for them. It's amazing, even the hotels. Ils bâtissent un hôtel même pour cette idole. In the front desk, the lobby, they have a nice place with the wooden gods. Chaque matin. Even in the hotel, même dans les hôtels, they build a nice wooden altar place and they put the wooden gods. Ils mettent un hôtel avec ce dieu idole et ils mettent même des choses là-bas. At the front desk, devant la réception. Every morning, chaque matin, they break a coconut. Ils cassent un noix de coco. And they light some things that smell with scents. Alors ils allument des choses qui sentent comme de l'encens. Every morning, chaque matin, they are dedicated to their idol gods. Ils sont dédiés à leur idole. But the church is worshiping Jehovah. Mais l'église qui adore Jehovah. Are you dedicated to Jehovah? Êtes-vous dévoué à Jehovah? I know that you are Christians on Sunday. Je sais que vous êtes les chrétiens le dimanche. Don't even say yes. Ne dites-moi même pas yes. You are Christians on Sunday. Vous êtes les chrétiens seulement le dimanche. If I meet you the other days in the streets. Si je vous rencontre un autre jour sur le chemin dans la rue. If I did not know you. Si je ne vous connaissais pas. And someone told me you are Christian. Et si quelqu'un me dit que vous êtes chrétien. I'll be like, no, you are kidding. J'ai dit non, vous êtes en train de vous moquer de moi, de vous amuser. The church is not dedicated to Jesus. L'église n'est pas dévouée, consacrée à Jésus-Christ. They have mixed worship with the world. Il y a un mélange d'adoration avec le monde. And yet worship is meant to be a lifestyle. Alors que l'adoration devait être un style de vie. Listen to me. Écoutez-moi. So the temple is empty. Alors le temple de Dieu est vide. Because what you have today, parce que ce que vous avez aujourd'hui, you have a camera, television camera. Vous avez une caméra de télévision. The worship team will dance here. L'équipe de louange va danser là devant. Everybody will dance and they feel goosebumps. Alors tout le monde va danser, va bien se sentir, va avoir des frissons. And when it's done, they come here. Quand ça va finir, ils vont venir. And they say, let us now go into the presence of God. Ils vont dire maintenant allons dans la présence de Dieu. Let us now have one worship song and enter the presence of God. Allons, ayons maintenant un chant d'adoration et rentrons dans la présence de Dieu. Then in whose presence have you been? Alors dans quelle présence avant étiez-vous? And they put one worship song. Alors ils mettent seulement un chant d'adoration. And then the message is divided into 15 minutes. Alors le message est donné en 15 minutes. The 10 minutes he brings up the message. Les 10 minutes il va donner le message. The last 5 minutes he talks to you about giving. Les 5 dernières minutes il vous parle sur la façon de donner. And the TV is recording, so we don't have much time. Alors la télévision est en train d'enregistrer, on n'a pas beaucoup de temps. You have taken God and put God into your programs, into a box. Vous êtes en train de prendre Dieu de le mettre dans votre programme et dans une boîte. He don't see anybody worshiping in the house. Il ne voit plus personne qui l'adore dans la maison. No wonder it's empty. C'est pourquoi le temple est vide. Pastor Jack, Pastor Jacques, when you came to Kenya, quand vous êtes venu à Kenya, when now revival came to them, maintenant que le réveil est venu à eux, how many days do they worship? Amen. Combien de jours ils ont adoré? 5 days. 5 they jours. They entered the stadium. Ils sont rentrés dans le stade. On Thursday. Le mercredi. The meeting starts Saturday. La réunion commence samedi. They don't leave until Monday. Ils ne quittent pas le stade jusqu'à le lundi prochain. At first I was shocked. La première fois j'étais choqué. Women with babies. Les femmes avec des bébés. They are standing and worshiping for days. Elles sont debout en train d'adorer pendant des journées entières. And night. Et des nuits entières. Des nuits entières. But what the Lord does there, mais qu'est-ce que Dieu a fait là-bas? It's pretty big. C'est vraiment grand. Because he sees somebody. Parce qu'il voit quelqu'un là. But you come here with your beautiful bags, you're sitting like this with vous venez bags. Avec vos mini-jupes, vous êtes assis là. You're arranging yourself. Vous vous arrangez vous-même. And when the pastor is preaching more, you are looking like this. Et quand le pasteur est en train de prêcher un peu plus, vous regardez votre montre comme ça. He don't see nobody. Il ne voit personne à l'église, dans le temple. He cannot see anybody worshiping. Il ne peut pas voir quelqu'un l'adorer dans le temple. Let me ask you one question. Laissez-moi vous poser une question. Is it the same God of Israel you are worshiping today? Est-ce que c'est le même Dieu d'Israël que vous adorez aujourd'hui? Did he change? Est-ce qu'il a changé? Or is the same? Ou bien il est le même? If he is the same, s'il est le même, then you're gonna have to worship him. Alors vous devez l'adorer lui. According to the Bible. Selon la Bible. The Bible says Ezra came. La Bible dit que Ezra est venu. And all people stood there from morning. Et tout le peuple est venu ensemble avec lui depuis le matin. Until evening. Jusqu'au soir. You saw in Kenya. Yes. Vous avez vu ça au Kenya. They worship and worship and worship and continue. Ils adorent, ils adorent. In the night, la nuit, the next morning, le jour, still there. Le matin prochain, worshiping. The ils adorent. The tumors are disappearing. The cripples are walking. The blind can see. Les aveugles voient, les tumeurs disparaissent. Les sidèles sont guéris. Les aveugles voient, les sourds entendent toutes choses. The glory is on the dome. La gloire est sur le dôme. He wants to enter. La gloire veut entrer dans l'église. But there is nobody in the church. Mais il n'y a personne à l'église. The glory is waiting on the dome. La gloire attend sur le dôme dehors. He is the faithful one of Israel. Il est le fidèle d'Israël. If you will worship him, si vous allez l'adorer, in the spirit and in the truth, en esprit et en vérité, the glory will enter. La gloire entrera. But now, mais maintenant, you are too modern. Vous êtes très moderne. You are too sophisticated. Vous êtes très sophistiqué. He don't see anybody. Il ne voit personne dans le temple. He don't see nobody. Il ne voit personne. Right there. Là. If the pastor tries to preach a little bit more, si le pasteur essaie de prêcher un peu plus, vous regardez la montre. You hear phones. Vous entendez les cellulaires en train de sonner. Phones are ringing. Les cellulaires sonnent partout. We have some churches in Nairobi. Nous avons quelques églises à Nairobi. The pastor was telling me you must preach for only 15 minutes. Le pasteur nous dit tu ne prêches que pendant 15 minutes. Because parce que any time you want to exceed 15 minutes. Chaque fois que vous voulez dépasser les 15 minutes, everybody's looking. Tout le monde regarde. Because they say it is teeing time to go to the golf course and tee. Non, c'est le temps d'aller dans, au terrain de golf et de tirer les balles. Or it's time for business lunch. Non, c'est le temps de lunch pour les affaires, des dîners d'affaires. And it is a Baptist church. Et c'est une église baptiste. They don't even teach the Holy Spirit. Ils n'enseignent même pas le Saint-Esprit. How can God see somebody there? Comment Dieu peut voir quelqu'un dans cette église là? The grass has grown in the house. L'herbe a même poussé dans la maison. That is desolation. Ça c'est la désolation. Listen very carefully. Suivez attentivement. Catch this one here. Saisissez ceci. When the Lord sent Jeremiah. Quand Dieu a envoyé Jérémie. To the temple of the Lord on Mount Moriah. Au temple de Dieu au Mont Moriba. It is amazing the way God spoke to him in Jeremiah chapter 18. C'est étonnant la façon dont Dieu lui a parlé dans Jérémie chapitre 18. He told Jeremiah. Il dit à Jérémie. I am not going to speak with you. Je ne te parlerai plus pas. Until you get to the potter's house. Jusqu'à ce que tu rentres dans la maison du potier. When you get there. Quand tu arriveras là. Then I'll give you my word. Ainsi je te donnerai ma parole. I'll give you my message. Je vais te donner mon message. For my house. Pour ma maison. The temple of God in Jerusalem. Le temple de Dieu à Jérusalem had seen a high worship. A vu une grande adoration, une adoration très élevée, très intense. The glory used to come and enter. La gloire avait l'habitude de descendre et de rentrer dans le temple. And so they continued. Alors ils ont continué d'adorer. To the point. Jusqu'au point. That when the glory left. Quand la gloire avait quitté. They were not even aware. Ils étaient même pas au courant. They thought revival was still continuing. Ils pensaient que le réveil continuait. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. The Lord allowed me to study in Israel for 7 years. Le Seigneur m'a permis d'étudier en Israël pendant 7 ans. In fact, the Lord called me from Israel. En fait, le Seigneur m'avait appelé à partir d'Israël. It's a long story you may not share here. C'est une longue histoire que je pourrais pas partager ici. But listen to this. Mais écoutez ceci. Mount Moriah. Le Mont Moriah. There are several valleys around Mount Moriah. Il y a plusieurs vallées autour de la montagne de Moriah. We have the Kidron Valley. Nous avons la vallée de Kidron. And so on. Ainsi de suite. But I want to pay attention to one valley here. Je vais vous attirer votre attention sur une vallée. The Valley of Ben Hinnom. La vallée de Ben Hinnom. In Hebrew. En hébreu. Aben Sheli. Aben Sheli. My son. Mon fils. Ben Hinnom, the sons of Hinnom. Ben Hinnom, le fils d'Hinnom. That valley, cette vallée, was facing what we call the port's hard gate. Ça faisait face à la porte du temple. The port's hard gate. Oh, la porte du potier. The gate, la porte, for the ports. Du potier. In other words, they also called it the dung gate. On l'appelle ça aussi le dung gate, la porte of dung. De dung. Yes. Tell them in French so they understand this very carefully. It is que c'est la waste, porte de dung. Like human waste. C'est comme la poubelle. Dung. Yeah, la poubelle. The dung gate. La poubelle, le lieu de poubelle, de déchets. Every garbage. Chaque poubelle. That was coming from the city. Qui venait de la ville. Was being thrown into the valley of Ben Hinnom. On le jetait toute cette poubelle à la vallée de Ben Hinnom. Even the broken pots. Même les pots d'argile qui étaient cassés. Were being thrown there. On jetait cela à la vallée de Ben Hinnom. In fact, it is believed. En fait, on croit. That if the Lord Jesus. Si le Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord Jesus had to fulfill the prophecy that he is the Lamb of God. Jésus doit accomplir la prophétie qu'il est l'agneau de Dieu. Read the book of Exodus 12 and John 19. Et lisez les livres d'Exode 12 et Jean 19. Because when he told Moses to tell them to get the lamb. Quand il a dit à Moïse de leur dire de prendre un agneau. He said, let them not break his bones. Il a dit, faites attention qu'il ne puisse pas briser les os de l'agneau. That's why when Jesus was crucified, c'est pourquoi quand Jésus-Christ était crucifié, they took an axe, on a pris une hache for breaking the trees. Une hache pour casser, pour couper les arbres. And they broke the knees of this man. And this man did not touch Jesus. On a brisé les genoux de cet homme et de celui de l'autre côté, mais n'ont pas brisé les genoux de Jésus. Because he had to fulfill prophecy. Parce qu'il doit accomplir la prophétie. The perfect Lamb of God. L'agneau parfait de Dieu. No bone can be broken. Aucun os ne sera brisé. But listen to this. Mais suivez ceci. Many who were crucified. Plusieurs de ceux qui étaient crucifiés. They were dumped in the valley of Ben Hinnom. On les jetait à la poubelle de Ben Hinnom. That was a place. C'était l'endroit. Where the fire never went off. Où le feu ne s'éteignait jamais. And the worms never died. Et les vers ne mouraient pas, les vers de terre. The dead dogs were thrown there. Les chiens morts, on les jetait là-bas. The smell that was in the valley of Ben Hinnom. L'odeur qui était dans la vallée de Ben Hinnom. It was such a reek. C'était insupportable. A stench. Et c'était très fort. Unbearable. Que tu peux pas supporter. But Jehovah told Jeremiah. Mais Jehovah a dit à Jérémie. Get down there. Descends là-bas. Because that is where the potters were. C'est là qu'il y a les potiers. They were breaking the old pots. Il était en train de casser les anciens pots. And mixing with water. Et les mélanger avec de l'eau. And working on the wheel. Et travailler avec l'argile. And building another pot. Et en train de fabriquer un autre pot, une autre vase. So when Jeremiah reached there. Quand Jérémie est arrivé là-bas. The Lord asked him. Le Seigneur lui a demandé. Can you turn and point your finger? Est-ce que tu peux te tourner et pointer ton doigt? Your prophetic finger. Ton doigt prophétique. On my house. Sur ma maison. The house of the Lord. La maison du Seigneur. On Mount Moriah. Au Mont Moria. And ask them. Et demande-leur. Oh house of the Lord. Oh maison de l'Éternel. Can't the Father? Can't the Father? N'est-ce pas le Père? Can't the Lord? Est-ce que le Seigneur? Can't the Lord do with you like this potter here? Est-ce que le Seigneur peut vous faire comme ce potier ici? And build out of you. Et vous bâtir. Another pot. Un autre potier. He asked. Il leur a demandé. Why did God do that? Pourquoi le Seigneur a fait cela? It's much more important to look at the big act. C'est même plus important. Regarde les grands actes. That place, the stench was unbearable. Cet endroit-là, l'odeur était insupportable. That was the place. In fact, if you look at the true near ancient meaning of Ben Hinnom, si vous regardez le sens ancien du mot Ben Hinnom, it means hell. Ça veut dire l'enfer. The place was stenchy. L'endroit était insupportable en odeur. And the Lord was telling the house. Le Seigneur disait à la maison. Like the stench that cometh out of this place. Comme l'odeur, la puanteur qui vient de cet endroit. So is the fragrance of worship you are emitting coming to me. C'est la même chose, l'odeur de l'adoration que vous faites dans la maison du Seigneur. It is such a stench to me. C'est à ce niveau de puanteur. You come here. Vous venez ici. Till the phone is ringing. Le cellulaire sonne. The child wants milk. I'm going. I'm not. You know, I left church early today because I left church early. My child was needed milk to drink. Non, mon enfant avait besoin de lait. J'ai quitté l'église très tôt. Je suis parti un peu en avant. I was forced to leave church today because the plumber was coming home. J'étais forcé de quitter l'église aujourd'hui parce que le plombier arrivait à la maison. The stench. La stache. He was telling the house of the Lord. Il disait à la maison du Seigneur. The fragrance of worship you are emitting. La fragrance, l'odeur du parfum de l'adoration. Gives such a stench as what is coming from here. Ça donne une telle puanteur comme ça vient de la poubelle de Ben Hinnom. The putrefied dead dogs. Les chiens qui sont pourris, qui sont consommés. The rotten dead dogs. Les chiens qui sont consumés dans la pourriture. The smelling dead cats. L'odeur des chats morts. That is the fragrance you are emitting to me, and it's such a reek. I don't like it. C'est ça le parfum que vous êtes en train de mettre dans l'adoration, et Dieu dit, je n'aime pas cela. Because sexual sin was at the gate. Parce que le péché sexuel était à l'entrée de la porte. The young men walking by the gate were going, getting girls going. Les jeunes garçons rentrent à la porte de l'église, prennent une jeune fille et s'en va avec. And when it's time to preach, the preachers were busy touching on the glory of God. Et alors quand c'est le temps de prêcher, les prédicateurs étaient pressés de toucher à la gloire de Dieu. The glory had left. La gloire avait quitté. But they kept saying revival, revival. Mais ils continuaient à dire réveil, réveil, réveil. Listen to me. Écoutez-moi. That is what I see in the church today. C'est ce que je vois dans l'église aujourd'hui. And what Israel did not know. C'est que Israël ne savait pas. Let me give you revelation. Pay attention right now. Donnez l'attention maintenant, je vais vous donner une révélation. Jeremiah, Jérémie, when God sent him to tell them to repent, quand Dieu lui a envoyé de leur dire de se repentir and restore the house, et de restaurer la maison. Jeremiah, Jérémie had seen the advent of Christ. Il a vu l'avènement du Christ. He had seen the coming of the Messiah. Il a vu la venue du Messie. He had seen that a new dispensation was coming. Il a vu qu'une nouvelle dispensation arrivait. In fact, en fait, he had seen the destruction of that house. Il a vu la destruction de ce temple là, de cette maison. The commotion coming from Babylon. Le commerce qui venait de the commotion. Destruction. La destruction qui venait de Babylone. That was coming from Babylon, and he had seen the vision. Il a vu la vision. When the house is destroyed. Quand la maison était détruite. That's why at some place in Jeremiah 31. C'est pourquoi dans certains endroits à Jérémie 31. He again sees Rachel wailing at Ramah. Il a encore vu Rachel en train de pleurer à Ramah. Because he had seen all of them chained at Ramah. Parce qu'il les a vus tous enchaînés à Ramah. And they were heading to Babylon. Alors ils allaient vers Babylone. And then he saw a second level prophecy. Alors il a vu un deuxième niveau de prophétie. He saw the exit of Christ Jesus into Egypt to escape the king. Il a vu la sortie de Jésus-Christ en Égypte pour éviter le roi. And that's why he said, my sons are no more. C'est pourquoi il dit, mes fils ne sont plus. Jeremiah chapter 10 verse 20. Jérémie chapitre 10 verset 20. I am reading now. Je suis en train de lire maintenant. My tent is destroyed. Ma tente est détruite. Jeremiah 10 20. Jérémie 10 verset 20. I will tell you. Je vous dirai. What you will not hear on Global TV. Ce que vous n'écouterez pas à la télévision globale. I will give you what you will not hear on Christian Television. Je vais vous dire ce que vous n'écouterez jamais à la télévision chrétienne. This kind of message. Ce genre de message. Can only come from God Almighty. Ne peut que venir du Dieu Tout-Puissant. Listen to me somebody. Que quelqu'un m'écoute. It can chase away customers. Il peut chasser les clients. They cannot put it. Il peut pas les supporter. They cannot put it on that TV. On peut pas mettre ce message sur leur télévision. Because you have to allow people to profit. Parce qu'il permet aux gens, il faut permettre aux gens de profiter. So they can keep writing the check to the TV station. Que les gens continuent à écrire des chèques à leur chaîne de télévision. That's why I said this one is to purify the church. C'est pourquoi j'ai dit que ce message doit purifier l'église. The time for lying is over. Le temps de mentir est terminé. I will leave the country after tomorrow. Je quitterai le pays après demain. But I will wash my hands and love my God. Mais je vais laver mes mains et aimer mon Dieu. I'll tell him, Lord, I said it exactly the way you told me. Je dirai, Seigneur, je l'ai redit exactement comme tu me l'as montré. I didn't fear them and try to say. Je n'ai même pas eu peur de pour essayer de camoufler les choses. Let me say sweet things so they might give me a good offering. Que je puisse parler des choses agréables pour qu'ils me donnent une grande offrande. I said I don't want offering. Non, j'ai déjà dit je ne veux pas d'offrande. But I'm going to bless all of you. I'll bless you. I know he has given me power to bless you. Mais je vais vous bénir tous parce qu'il m'a donné le pouvoir de vous bénir. To bless your lives. De bénir vos vies. In fact, now in the name of Jesus, I bless you. En fait, maintenant dans le nom de Jésus, je vous bénis. I bless your lives. Je bénis vos vies. I bless you. Je vous bénis. In the name of Jesus, I Au bless nom you. De Jésus, je vous bénis. I bless this church. Je bénis cette église. In the name of the Lord Au Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. But listen to this. Mais écoutez ceci. Jeremiah. Jérémie had seen the advent, the coming of the Messiah. Il a vu l'événement, l'arrivée du Messie. And he had seen, et il a vu, that the utility of this temple had expired. Que l'utilité de ce temple est expirée. The physical worship, l'adoration physique, the earthly worship, l'adoration actuelle. He had seen that that dispensation was over. Il a vu que cette dispensation était terminée. And now there would be need for a new temple. Maintenant, il y aura besoin d'un nouveau temple. A spiritual tabernacle. Un tabernacle spirituel. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. The temple had to go down. Le temple doit s'écrouler. For Jesus. Pour que Jésus. To have his way. Pour avoir son chemin. Listen to this. Écoutez ceci. Very carefully. Écoutez attentivement. Jeremiah 10, verse 20. Jérémie 10, verset 20. My tent is destroyed. Ma tente est détruite. All its ropes are snapped. Tous mes cordages sont rompus. My sons are gone from me. Mes fils m'ont quitté. And are no more. Ils ne sont plus. No one is left to pitch my tent. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Or set up my shelter. Qui relève mes pavillons. Today. Aujourd'hui. They will come to you. Ils viendront à vous. Today. Aujourd'hui. They will come to you. Ils viendront à vous. They say, look, I am anointed. Ils diront, regarde, je suis oint. I am on fire. I want to preach the gospel. Je suis en feu. Je vais prêcher l'évangile. And if you look at them very carefully. Et si vous les regardez attentivement. You say, hey. Vous allez dire, hey. This man is on fire for Jesus. Cet homme est en feu pour Jésus. Pastor, just arrange for me one church. Set up for me another Pasteur, church. Vraiment, prépare pour moi une église. Prépare pour moi une église. And you tell him, well, I have a group of members of the church. They come from far. Et tu vas lui dire, ah, j'ai un groupe de membres de l'église qui vient de loin pour venir ici. They have been asking me to set up for them a church. Ils m'ont demandé d'établir une église pour eux. Come, let us set up a church. Allez, venez, on va établir une église. And they start to preach. Alors ils commencent à prêcher. They have fire. Ils ont le feu. They're preaching salvation. Ils prêchent le salut. The members are full. Les membres sont nombreux. The members start to bring the tithe. Les membres commencent à porter la dîme. After a short while. Après un moment, un court moment. Gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité rentre. They die away. Ils commencent à mourir. Nobody's left. Il n'y a personne qui reste. Who can raise for God a holy tabernacle? Qui peut élever pour Dieu un tabernacle saint? It's as if every preacher has to fall to sexual sin. C'est comme si chaque prédicateur doit tomber dans le péché sexuel. It is as though every preacher must fall to sexual sin. C'est comme si chaque prédicateur doit tomber dans le péché sexuel. They must love money. Ils doivent aimer l'argent. More than Jesus. Plus que Jésus. There is no one left to build a tent, a holy tent for Jehovah. Il n'y a personne qui soit resté pour bâtir une nouvelle tente pour Jéhovah. When you enter a holy tabernacle. Quand vous rentrez dans un tabernacle saint. When the pastor is preaching. Quand le pasteur est en train de prêcher. Sometimes people are weeping. Des fois les gens pleurent. When he's preaching, quand il prêche, sometimes people are hiding behind others. Des fois, les gens couvrent leur visage derrière les dos d'autres personnes. The word is convicting their hearts. Parce que la parole est en train de convaincre leur cœur. They know that is me he's talking about. Non, ils savent dans leur cœur que non, le pasteur est en train de parler de moi. But where everybody loves the pastor. Mais partout où tout le monde aime le pasteur. Pastor, we love you. Oh, pasteur, nous t'aimons. That was such a sweet word today. Ça, c'était une parole vraiment succulente aujourd'hui. Something's very sick in that church. C'est qu'il y a quelque chose qui est très malade dans cette église. Listen to me. Écoutez-moi. Jeremiah had seen that there is need for a spiritual tabernacle to be raised. Jérémie a vu qu'il y avait un besoin pour que un hôtel saint soit relevé. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu l'arrivée du Messie. I have seen the Messiah coming for the church. J'ai vu le Messie arriver pour l'église. I have seen the tremendous glory of God released from heaven. J'ai vu la grande gloire de Dieu être libérée. Du ciel. I have seen the destruction of the physical church that currently is happening on the earth. J'ai vu la destruction de l'église physique en fait qui se passe sur la terre. Where they are telling you about wealth transfer. Là où on leur parle des transferts des richesses, God is telling me, tell them to prepare quickly. I'm coming to take the church. Dieu me dit de vous dire, préparez-vous, je reviens bientôt pour prendre l'église. A holy church. Une église sainte. But they are telling you, this is the time to sow a big seed. Mais ils vous disent, non, c'est le moment de semer une grosse semence. Because there is a wealth transfer coming from the earth to the church. So it will make you live a good earthly life. Parce qu'il y a un grand transfert de richesses qui va venir à l'église et ça va vous permettre de bien vivre sur la terre. And yet God is telling me, tell them their home is there. Pourtant Dieu me dit que leur demeure c'est là au ciel. He went to prepare rooms for you. Jésus est parti pour préparer des places pour vous. You don't belong here. Vous n'appartenez pas à la terre. I have seen the destruction of the physical tabernacle you are worshiping in. J'ai vu la destruction du tabernacle physique dans lequel vous adorez. I have seen the dispensation of the glory of God. J'ai vu la dispensation de la gloire de Dieu. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. Get out of that physical worship. Sortez de cette adoration physique. That earthly worship. Cette adoration terrestre. Worship cars, homes, adorant les voitures, les maisons, private aeroplanes, les jets privés. Preach about how you will get checks in the mail. Prêchant sur comment vous allez recevoir des chèques dans vos boîtes à lettres. Doesn't your father know that you need this thing? Est-ce que votre père ne sait pas que vous avez besoin de ces choses? Should you turn it around and worship it? Est-ce que vous devez vous tourner maintenant adorer ces choses-là? Then it's not a blessing. Alors ce n'est plus une bénédiction ces choses que vous avez. Because it will drift you away from God. Parce que ça va vous éloigner de Dieu. Time is over. Le temps est consommé. Time is now over. Le temps est parti maintenant. Let us prepare a very powerful holy tabernacle. Alors préparons un autel puissant pour l'Éternel notre Dieu. On March 26th, en mars, le 26 mars, the year 2008, le 26 mars 2008, I saw the visions of the Lord. J'ai vu la vision du Seigneur. And in that vision of God, dans cette vision de Dieu, when I looked up in the sky, quand j'ai regardé vers le ciel, all of a sudden the glory of the Lord came. Et tout soudainement la gloire de Dieu est venue. And it started to unfold, uncover, and envelop. Et la gloire a commencé à prendre place, à occuper et à envelopper. And I saw the glorious temple of God Almighty in heaven. Et j'ai vu le glorieux temple de Dieu au ciel. I was very shocked. J'étais choqué when I woke up. Quand je me suis réveillé. Because I remember, parce que je me rappelle. I think he may have only shown it to Moses. Je pense qu'il a montré seulement cela à Moïse. But what is the message there to you? Mais quel est le message là pour vous? The Church of Christ in Montreal. L'Église de Jésus à Montréal. When he saw the level of idolatry in the house of Jacob. Quand il a vu le niveau de l'idolâtrie dans la maison de Jacob. The way they were worshiping idolatry. Comment ils adoraient les idoles. They had raised for them a golden calf. Ils ont fait pour eux-mêmes un veau d'or. Golden calf, very beautiful. Un veau d'or très joli. They were walking around it. Ils tournaient tout autour de ces veaux d'or. Lying before it. Ils se prosternaient devant le veau d'or. They were worshiping another. Ils adoraient quelqu'un d'autre. Listen to what happened. Écoutez qu'est-ce qui est arrivé. The Lord showed Moses the holy temple in heaven. Dieu a montré à Moïse le saint temple au ciel. And he said, "Go tell the house of Jacob." Il lui a dit, va dire à la maison de Jacob. To build for me one like this there. De bâtir pour moi un temple comme celui-ci, mais là sur la terre. So I may come and visit them. Afin que je pourrais venir et les visiter là sur terre. And dwell among them. Et de demeurer au milieu d'eux. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. The same thing has happened. La même chose est arrivée. The Lord has seen the golden calf in the church. Le Seigneur a vu le veau d'or maintenant à l'église. It's a golden, beautiful calf of prosperity. C'est le veau d'or très joli de la prospérité. It does not talk about holiness. Ça ne parle pas de la sainteté. That means it's leading people to hell. Ça veut dire que ça conduit les gens à l'enfer. The golden calf in the church. Le veau d'or dans l'église. Every preacher in the church. Chaque prédicateur à l'église. You turn on TV. Vous allez à la télévision. They want to make you rich quickly. Ils veulent que vous deveniez riche rapidement. They tell you how they want to make you millionaires quickly. Ils vous disent comment ils peuvent faire de vous des millionnaires rapidement. They have never even asked you, do you really want to be a millionaire? Ils ne vous demandent même pas si vous voulez devenir des millionnaires. Because the Bible even says, parce que la Bible même dit, that it's going to be easier for a camel to enter into the eye of the needle. Ce serait facile à un chameau de rentrer sur le trou de l'aiguille. Than for a rich person to enter the kingdom pour of God. Que le riche entre dans le royaume de Dieu. They have not even asked you, but they want to make you rich quickly. Ils ne te demandent même pas, mais ils veulent te rendre riche plus vite. He has seen the golden calf. Il a vu le veau d'or. You are busy lying before it. You are going around. Vous êtes you très are occupé kissing it. À vous prosterner, à embrasser le veau d'or. And he said, I am tired of that idolatry. Alors Dieu dit, je suis fatigué de cette idolâtrie. Now tell them to raise for me one like this. Alors dites-leur maintenant de bâtir pour moi un temple comme celui-ci. I want to fulfill Joel's dispensation. Je vais accomplir la dispensation de Joël. Because I promised to pour my spirit in the church. Car j'ai promis de répandre mon esprit sur l'église. Tell them to build for me a spiritual tabernacle. Dites-leur de bâtir pour moi un tabernacle spirituel. In their heart. Dans leur cœur. And I will come. Alors je viendrai. And visit them. Et je les visiterai. And dwell among them. Et j'habiterai au milieu d'eux. And purify them. Et je les purifierai. And they will be my people. Alors ils seront mon peuple. And I will be their God. Et je serai leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Time is over. Le temps est parti. The church must prepare a spiritual tabernacle. L'église doit préparer un hôtel spirituel. That the Lord, en fait que le Seigneur, may visit the church. Puisse visiter l'église. The church. L'église. The church. L'église. Time is over. Le temps est parti. Le temps est consommé. Somebody touch the keyboard. Que quelqu'un touche le joue au piano. Touch the keyboard very slowly in the background. Quelqu'un peut jouer au piano doucement comme un background. Or Michael can play the worship background he brought. Ou bien Michael peut jouer l'adoration. C'est même mieux. The background key. Le CD de background. That's even better. C'est même mieux que Michael joue cela. Tomorrow you need to watch out on that because I need to do a healing service here. Demain faut bien garder cela parce que je ferai un service de guérison ici. I need to create an ambience for my Lord. Je vais créer une ambiance ici pour mon Seigneur. For the Holy Spirit, my God. Pour le Saint-Esprit, mon Dieu. My friend and my Lord. Mon ami et mon Seigneur. Are you able to do it there? Êtes-vous capable de le faire là-bas? Listen to me, precious people. De jouer le CD. Time has come that you may shed off the things in your life. Le temps est venu que vous puissiez shed off the things in your life. Répandre les choses de votre vie. The things that have defiled you. Les choses qui vous ont souillé, en fait. Enlever ces choses de votre vie. Again, I repeat, this time has come. Alors je reprends. Le temps est venu. For you to shed off. De vous d'enlever. The things that have defiled your walk. Les choses qui ont compromis, qui ont souillé votre marche. Time has now come. Le temps maintenant est venu. For you as a church. Pour vous en tant qu'église. To prepare for the Lord. De vous préparer pour le Seigneur. A holy temple, that's good enough. Un saint temple. A spiritual tabernacle. Un tabernacle, un hôtel spirituel. Listen to me. Écoutez-moi. It may not matter. Ça peut ne pas être important. How many years? Combien d'années? You have been a Christian. Vous avez été chrétien. But what will matter? Ce qui sera important is if you will respond to this last call. Est-ce que vous allez répondre à ce dernier appel? If you follow this very carefully. Si vous suivez ça attentivement. I was very, very shocked the other day. J'étais très, très choqué l'autre jour. When I found out, quand j'ai réalisé that the Lord was actually doing with me Matthew chapter 22. Enfin, le Seigneur est en train de faire avec moi Matthieu chapitre 22. Because in Matthew 22, parce que dans Matthieu 22, Jesus talked about the wedding of the Lamb. Jésus a parlé sur les noces de l'agneau. And he said, il a dit, He would send somebody. Il enverra quelqu'un. To invite her into the wedding banquet. D'inviter l'inviter aux noces de l'agneau. But Matthew 22 also says. Mais Matthieu 22 dit aussi. That they refused to come. Ils ont refusé de venir, de répondre à l'invitation. To the point that God used the word "do not deserve." Au point que Dieu va utiliser l'expression "ils n'ont pas mérité." He says, "Those who were invited did not deserve." Dieu dit ceux qui étaient invités n'ont pas mérité. Then he sent his prophet. Alors il a envoyé ses prophètes. To the corners of the streets. Dans les coins des rues. He said, "Go look for anybody you find." Il a dit, allez trouver n'importe qui sur les coins des rues, sur les carrefours de chemin. You might find somebody who is willing to respond to the invitation. Certainement, vous allez trouver quelqu'un qui va accepter de répondre à l'invitation. I have come to invite you into the wedding of the Lamb. Je suis venu pour vous inviter aux noces de l'agneau. I am telling you that I have seen the wedding rings. Je vous ai dit que j'ai vu les anneaux de mariage. They are ready. Ces anneaux sont prêts. But listen to this somebody. Mais écoutez ceci, quelqu'un. When they brought them from the streets. Quand on les a menés des rues, des coins des rues. Listen to this. Écoutez ceci. But when the king, verse 11, Matthew 22. Matthieu 22, verset 11. I am reading, don't worry about reading. Je suis en train de lire, ne vous occupez pas de lire, suivez seulement. Matthew 22, 11. Matthieu 22, verset 11. But when the king came to see the guests. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Friend, il lui dit, mon ami. He asked. Il le demanda. How did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? And the man. Et l'homme was speechless. Eut la bouche fermée. Friend, mon ami, how did you enter here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? And he was speechless. Cet homme était sans parole. Il avait la bouche fermée. No movements. Listen to this. Sans mouvement. Écoutez ceci. He called him friend. Il l'a appelé mon ami. Which means they knew each other. Ça veut dire qu'ils se connaissaient l'un à l'autre. They were friends. Ils étaient des amis. This person was dancing in the church. Cette personne dansait à l'église. This person was not in the bar. Cette personne n'était pas dans les bars. Was speaking in tongues here. Et cette personne parlait en langue ici. Every Sunday he came here. Chaque dimanche, cette personne venait à l'église. Friend, mon ami, how did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? The Bible says. La Bible dit. And he ordered. Il a ordonné. That the person be bound up and thrown out in the darkness. Que cet homme soit ligoté, soit jeté en dehors de la maison. Where there is the gnashing of teeth. Là où il y aura des grincements des dents. Wailing and pain. Les pleurs et les gissements. And sorrow. Et le malheur. Eternal damnation. Il y aura une condamnation éternelle. The wedding gown. La robe des mariés. I have spoken to you about. Je vous ai parlé sur cela. Is the holiness of the church. C'est la sainteté de l'église. You are the church. Vous êtes l'église. That is the holiness you ought to be walking in. C'est la sainteté dans laquelle vous êtes supposé de marcher. Otherwise, sinon, on that day, en ce jour-là, he will come to you. Il viendra à vous. And say, il va dire, mon ami, my friend, mon ami. How did you enter here? Comment es-tu entré ici? Without wedding clothes. Sans habit de noces. And he will close the door on you. Il va fermer la porte sur toi. The same God you have loved every day. Le même Dieu que vous avez aimé chaque jour. When there's a problem in the world, you always run to him. Quand il y a un problème dans le monde, vous avez toujours couru vers lui. All of a sudden, et soudainement, on that day, en ce jour-là, he will forget about you. Il va vous oublier. He will not know you. Il ne vous reconnaîtra plus. If you don't walk in holiness, si vous ne marchez pas dans la sainteté, dans la sanctification, friend, mon ami, how did you enter here? Comment êtes-vous entré ici? Only those with the wedding gown. Seulement ceux qui ont les habits de noces. Enter here. Entre ici. Somebody stand up on your feet. Que quelqu'un se lève sur ses pieds. I have spoken. J'ai parlé. Every word that cometh out of the Lord. Toutes les paroles qui sont venues de la part du Seigneur. The mouth of the Lord. De la bouche du Seigneur. Spoken against sin in the church. J'ai parlé contre le péché dans l'église. Spoken against the gospel of prosperity. J'ai parlé contre l'évangile de la prospérité. Teaches you about the things of the world. Qui vous enseigne sur les choses du monde. And does not teach the holiness of God. Et qui ne prêche pas sur la sainteté de Dieu. I have said. J'ai dit. That I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Messie revenir. For the church. Pour l'église. I have seen the wedding of the Lamb of God. J'ai vu les noces de l'agneau de Dieu. I have said, j'ai dit, prepare the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. I have said, j'ai dit, I have seen the clock of God Almighty. J'ai vu l'horloge du Dieu Tout-Puissant. And it is 1 minute to midnight. Et il reste seulement 1 minute avant minuit. Listen to me. Écoutez-moi. Nobody knows the hour. Personne ne connaît l'heure. The day, ni les jours. Not even the angels. Même pas les anges. Even the Son of Man. Même pas le Fils de l'homme. Except God Almighty Himself. Seulement Dieu Tout-Puissant lui-même. That means. Cela veut dire. All this time here. Tout ce temps ici. Since I stepped here, depuis que je suis rentré ici, it was God Almighty Himself. C'était Dieu le Tout-Puissant lui-même, the Father of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus, that was speaking with you. Qui parlait avec vous. If you know, si vous savez, that if rapture took place today, si vous savez que si l'enlèvement a lieu aujourd'hui. You would not enter. Et que vous n'entrerez pas. Before I step out of here. Avant que je quitte ici. I want you to run to the altar. J'aimerais God. Que vous puissiez courir à l'autel de Dieu. Don't be left out. Ne soyez pas mis de côté. Thank you, my daughter. Merci, ma fille. She came and just fell on her knees. Elle est arrivée, elle est tombée sur ses genoux. She said, I cannot even stand anymore. Elle dit, je peux plus même me tenir debout. I don't know about tomorrow. And I heard that man. Et j'ai entendu cet homme. I heard everything he said. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. And I also understood. Et j'ai aussi compris. That it was of gravity. Que c'était d'une grande gravité. It was very serious. C'était très sérieux. It touches on my eternity. Ça touche à mon éternité. I did not hear him. Je vous ai pas entendu. I did not hear him. Je l'ai pas entendu. Speaking about how to sow a good seed. Je l'ai pas entendu dire comment semer une bonne semence. But I heard him. Mais je l'ai entendu dire. He even said, il a même dit, he is not interested in our Canadian dollars. Il n'est même pas intéressé aux dollars canadiens. I heard him. Je l'ai entendu. I am running to the Lord. Je cours vers le Seigneur. Listen to me. Listen to me. Écoutez-moi. On the 2nd of April, le 2 avril 2004, 2004, in a mighty visitation of God, dans une grande visitation du Seigneur, he presented John the Baptist on my right hand side. Il a présenté Jean-Baptiste sur mon côté droit. John the Baptist has spoken with me about the coming of the Lamb of God. Jean-Baptiste a parlé avec moi au sujet de la venue de l'agneau de Dieu. Prepare the way. Préparez le chemin. Church of Christ. Église de Christ. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Why have you turned away from Jesus? Pourquoi vous êtes éloigné de Jésus? You went to the world. Vous êtes allé au monde, dans le monde. Now look. Maintenant regardez. The king is coming. Le roi est en train d'arriver. Where will you run to? À qui courras-tu? Vers qui vas-tu courir? Where will you hide? Où est-ce que tu vas aller te cacher? The king is coming. Le roi est en train de revenir. The church in Montreal. L'église à Montréal. What happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Why did you go to sin? Pourquoi tu es allé pécher? Today is the day. Aujourd'hui c'est le jour. To return to the Lord. De retourner, de revenir au Seigneur. Everybody return to the Lord. Tout le monde doit revenir au Seigneur. Time is over. Le temps est fini. Those ones who have come. Ceux qui sont venus. Just lift up your hands. Ceux qui sont venus, juste levez vos mains. And repeat this prayer. Et répétez cette prière. You may have been in prostitution. Peut-être vous étiez dans la prostitution. Alcoholism. Dans l'alcoolisme. Drug addiction. Dans les drogues. It does not matter anymore. Cela n'est plus important. At this moment. Cela n'importe peu en ce moment. You have to return to him. Tu dois revenir à lui. The Bible says, la Bible dit that even the birds in the sky, même les oiseaux dans le ciel, when the winter is coming, quand l'hiver arrive, they can detect, ils peuvent détecter and return home, et retourner à la maison. Otherwise they will die. Sinon ils vont mourir. Even you, the Church of Christ in Montreal. Même vous, l'Église de Dieu à Montréal. Then how much more? Combien plus fort? You that have the Holy Spirit. Vous qui avez le Saint-Esprit. Can you detect? Pouvez-vous détecter that the King is coming? Que le roi revient. Lift up your hands and repeat this. Levez les mains. Repeat it very loud before the Lord. Répétez ça à haute voix devant le Seigneur. Say, precious Jesus. Dis, précieux Jésus. I repent now. Je me repens maintenant. Of all sin. De tous mes péchés. Wash me today. Lave-moi aujourd'hui. With your blood. Avec ton sang. I receive you today. Je te reçois aujourd'hui. To be my Lord. D'être mon Seigneur. Beginning today. À partir d'aujourd'hui. Forever. Et pour toujours. Jesus. Jésus. Prepare me. Prépare-moi. For the wedding of the Lamb. Pour les noces de l'agneau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am born again. Je suis né de nouveau. I am praying right now. Je vais prier maintenant. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Mighty Lord. Dieu puissant. Lord, they have returned to you. Père, ils sont revenus à toi. Whatever they were doing, Jehovah. Peu importe ce qu'ils ont fait, Jehovah. You have canceled it. Tu as annulé cela. And I ask you, Lord. Et je te demande, Seigneur. To now cover them with the Holy Spirit. Maintenant de les couvrir du Saint-Esprit. And strengthen their walk in holiness. Et fortifie leur marche dans la sainteté. Establish your word in their hearts. Établis ta parole dans leur cœur. Never allow them to drift away from you again. Ne les permets pas de s'éloigner de toi à nouveau. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Even the sick. Même les malades. That now you may heal them. Afin que tu puisses même les guérir maintenant. And all of them. Et tous ensemble. That you may baptize them. Que tu puisses les baptiser. With your precious Holy Spirit. Avec ton précieux Saint-Esprit. Bless their homes. Bénis leur maison. Bless their jobs. Bénis leur travail. Bless their families. Bénis leur famille. Restore their homes. Restaure leur maison. Restore their marriages. Restaure leur mariage. Their ministries. Leur ministère. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.